Chapitre 14. La chance justifie sa renommée. Jim, étouffé par le bâillon, endolori et meurtri par les cordes, ne se rendait pas compte du nombre d'heures qui s'étaient écoulées depuis sa capture, quand le grincement de la clé parvint à son oreille et qu'un pâle rayon de lumière, qui parut aveuglant à ses yeux habitués aux ténèbres, filtra par l'ouverture de la porte. Deux hommes le soulevèrent, l'emportèrent de nouveau à travers l'arrière-boutique et le déposèrent sur le sol. « Enlevez le bâillon et les cordes, » dit une voix calme. « Laissez-lui seulement les mains liées. Installez-le ici. Maintenant, sortez. Attendez dans le bar. Dès que j'appellerai, venez. » Quelques instants après, Jim se trouvait assis sur une chaise, dans un coin, devant un guéridon portant une bouteille de whisky, un siphon et des verres. Au milieu de la chambre brûlait une lampe électrique. Il n'y avait pas de fenêtre, mais Jim jugea qu'il devait être nuit. L'homme à la barbe noire lui versa la boisson et porta le verre à ses lèvres. Jim but docilement, se demandant toutefois si ce n'était pas du poison. Mais il reconnut le goût d'un whisky, pur de tout mélange. L'alcool lui brûla le gosier, mais en même temps le revigora. Il s'étira autant que le lui permettaient ses mains liées et posa un regard lucide sur le mage. « Je croyais, Zerga, dit-il avec un sourire froid, que vous ne déteniez nul être de force. J'avais sous-estimé vos capacités, mon garçon, et aussi les résultats de votre enquête. Vous allez me dire maintenant tout ce que vous savez. Vous croyez ? » Zerga sourit. « Oui, je crois, car si vous ne me le disiez pas... »« Eh bien, si je ne vous le disais pas... »« Vous rendez-vous compte, petit, que vous ne me parleriez pas en ce moment et que vous seriez depuis longtemps hors d'état de parler à qui que ce soit si vous n'aviez pas un protecteur puissant ? Mais cette protection a des limites. Il faut que vous parliez. »« Vous oubliez que j'ai plus agi pour vous que parlé. Deux fois, j'ai sauvé les vôtres de la police. » La première fois, grâce à votre crédulité, et la deuxième, grâce à votre galanterie. Vous le ferez une troisième ? Grâce à quoi ? À ceci. Et Zerga tira tranquillement un petit poignard. Mais sachez bien que cet instrument-là ne viendra qu'en dernier recours. Nous en avons d'autres pour commencer. Mes hommes sont là à côté, dans le bar. Même si un de mes petits malais ne vous avait pas suivi à votre insu, le patron du café aurait écouté votre entretien téléphonique et vous aurait coffré. Vous êtes un impulsif, Joy. Vous n'êtes pas fait pour nous tenir tête. Et maintenant, trêve de plaisanterie. Que savez-vous de nous ? Une idée folle traversa le cerveau de Jim. Il avait une chance sur 1000 qu'elle pût se réaliser. Mais cette seule chance, il devait la tenter. Il n'en avait pas d'autre. « Ce que je sais sur vous, dit-il lentement, vous l'apprendrez par une lettre. Une lettre que j'ai écrite ce matin à l'inspecteur Leeds et que je n'ai pas encore mise à la poste. »« Où est-elle ? » ?»« Dans la poche intérieure droite de mon pardessus. » Zerga se rapprocha de lui, fouilla la poche et en tira la lettre dont il examina soigneusement l'enveloppe. Elle était cachetée et portée en souscription. « Monsieur l'inspecteur Leeds, Scotland Yard, Victoria Embarquement, Londres. Prière de faire suivre. » Jim regardait Zerga en retenant son souffle. Déchirerait-il l'enveloppe ou l'ouvrirait-il à l'aide d'un coupe-papier ? Seuls les impulsifs ou les désordonnés déchirent une enveloppe et le mage ne paraissait être ni l'un ni l'autre. Zerga plongea la main dans la poche de son gilet, en tira un canif, découpa soigneusement l'enveloppe et jeta le canif ouvert sur le guéridon. La chance que Jim avait si souvent fait intervenir dans ses romans pour sauver ses héros semblait vouloir justifier la renommée qu'il lui avait faite. Zerga avait tiré un canif et l'avait jeté sur le guéridon, mais ce n'était que 2 pas de fait sur 1000. Il en restait 998. Zerga s'approcha de la table du milieu pour lire la lettre à la lumière de la lampe électrique. après l'avoir lu lentement, d'un bout à l'autre, il la remit dans l'enveloppe et dit « C'est tout ce que vous savez ?»« C'est tout ce que je veux que Leeds sache de ce que je sais, » dit doucement Jim. « Et le reste ?»« Si je vous le dis, que ferez-vous de moi ?»« Je vous remettrai en liberté, à la condition expresse et définitive que vous ne vous mêliez plus de nos affaires. » »« Et si je ne le dis pas ?» Il y a un robinet dans la pièce d'à côté. On vous mettra dessous, de façon à ce que l'eau tombe goutte à goutte sur votre crâne pendant 4 heures, pour commencer. Et ensuite, qui me garantit que vous me remettrez réellement en liberté si je parle? Le puissant protecteur qui a obtenu qu'on ne vous supprime pas jusqu'à présent, à condition, je le répète, que vous oubliez notre existence. Sinon, à la prochaine intervention... « C'est bien, dit Jim. J'ai sur moi un document qui vous intéressera, et je vous en donnerai les commentaires de vive voix. »« Un document sur quoi ? Ne cherchez pas à gagner du temps. Si vous bluffez, vous le paierez. »« Un document sur May, sur Maya, dit tranquillement Jim. » Le coup porta d'une façon à laquelle il ne s'attendait pas. Le magicien verdit. « Où est ce document ?» Il est divisé en fragments qui se trouvent dans mon portefeuille, poche intérieure droite de mon veston, dans la poche gauche du pantalon et dans la poche secrète du par-dessus, sous la poche ouverte intérieure droite. Que ferait maintenant Zerga? Appellerait-il ses hommes pour déshabiller et fouiller Jim entièrement? Et que ferait la chance? Resterait-elle fidèle? Zerga de nouveau s'approcha de Jim, se pencha, fouilla toutes les poches indiquées et en tira une quantité de papier. Jim avait conservé l'habitude de gamin, qu'il bénissait maintenant, de porter sur lui, pendant des années, des tas de choses inutiles. Des visas périmés, des lettres auxquelles il avait répondu depuis longtemps, des billets de théâtre, des photos, des prospectus, des carnets volumineux où il notait tout ce qui lui passait par la tête, des plans de ses livres, des programmes, des horaires. Par conséquent, le tas hétéroclite qu'étala Zerga sur la grande table, sous la lampe électrique, était considérable. Quant à la poche secrète, elle contenait de nombreuses photos de May Smith, prises à différents moments, et quelques-uns de ses courbillés tracés d'une écriture enfantine. Zerga posa méthodiquement tout cela sur la table, s'assit, et se mit à étudier soigneusement chacun des documents. C'est ce qu'avait voulu Jim. Il attendit quelques instants, et voyant Zerga plongé dans l'étude des papiers, avança la tête vers le guéridon. Son cœur battait à tout rompre. Palpitant, il avançait par millimètres. Zerga ne le regardait toujours pas. Après s'être suffisamment avancé, il se mit à baisser la tête. La lame ouverte du canif luisait sous ses yeux. Les parcelles infinitésimales de mouvements amenèrent enfin sa bouche tout près du guéridon. Il saisit le canif avec les dents et refit le trajet en arrière, plus rapidement, mais avec la même prudence. Zerga n'avait qu'à lever les yeux pour tout comprendre. Mais il ne les leva pas. Il continuait à trier, avec un soin minutieux, les vieilles paperasses de Jim, cherchant le document révélateur sur Maya. Jim se détourna et laissa tomber la tête sur ses genoux. Maintenant, si Zerga le regardait, il ne verrait qu'un homme affaissé, replié sur lui-même, en proie au désespoir. Remarquerait-il que le canif n'était pas sur la table? Y aurait-il assez de papier pour que Jim réussît avant que Zerga eût terminé sa lecture? Jim maudissait les instants de sa vie où il avait jeté les prospectus tendus dans la rue par des hommes sandwich, les vieux tickets d'autobus, les lettres des importuns. Dévoré par la soif d'agir, mais observant toujours la plus extrême prudence dans ses mouvements, il approcha ses poignets de la bouche et se mit à scier avec la lame ouverte du canif la corde qui les liait. Heureusement, elle n'était pas épaisse. Au début, il ne sentait pas le moindre progrès. À chaque froissement de papier, Indiquant que Zerga rejetait de côté un document déjà lu, un frisson froid courait le long de son dos. Ses poignets étaient tout ensanglantés. Soudain, il sentit la corde, sciée probablement jusqu'à moitié, céder rapidement. Ce fut l'affaire de quelques instants. Laissant tomber le canif sur ses genoux, il cacha ses mains sous sa tête et frotta doucement ses poignets endoloris l'un contre l'autre pour les dégourdir. Jetant un coup d'œil du côté de Zerga, il s'aperçut que le tas avait considérablement diminué et allait bientôt disparaître. Quand il crut sentir que ses mains étaient redevenues capables d'agir, il replaça la corde autour de ses poignets avec ses dents, se redressa et attendit. Quelques instants passèrent. Zerga leva les yeux. « Vous m'avez trompé, » dit-il froidement. « Il n'y a rien. »« Les documents y sont. Je vous les montrerai. Je les ai copiés d'une écriture chiffrée. La clé se trouve dans la poche intérieure gauche de mon veston. »« Vous bluffez, mon garçon, » dit Zerga d'une voix qui rappela à Jim le robinet d'à côté. « C'est le dernier délai que je vous accorde. » « Certaines gens, dit Jim, savent qui est Maya, et je connais leur nom. » Les joues mates de l'Oriental reprirent de nouveau une teinte verdâtre. Pour la troisième fois, il s'approcha de Jim et, tendant la main pour fouiller sa poche, se pencha sur lui. Jim attendait ce moment. Le dieu des aventures ne l'abandonnait pas. Rassemblant toutes ses forces, il asséna à Zerga un coup de poing formidable sur la nuque. Le mage s'écroula sur Jim. S'efforçant de ne pas faire de bruit, le jeune homme le rejeta en arrière, tira vivement de sa poche un mouchoir et commença par le bâillonner solidement. Ensuite, s'emparant des cordes que les hommes avaient laissées sur le plancher, il lui lia pieds et mains. Maintenant, même quand il reviendrait à lui, il était hors d'état de nuire. Jim poussa un soupir de soulagement et s'accorda une minute de réflexion. Tant qu'il restait dans cette pièce, il était en sûreté. Les hommes, dont il entendait vaguement les voix à travers la cloison, attendaient les ordres de Zerga. Mais comment sortir? À droite de la porte ouvrant sur le bar, se trouvait la chambre noire où il avait été enfermé. Dans le fond, il y avait une porte qui donnait peut-être sur une cour, mais Jim entendait nettement un son de voix. Non, il fallait sortir par le bar. Il jeta un nouveau regard circulaire qui tomba sur un élégant pardessus noir et un feutre noir au large bord. Il appartenait sans aucun doute à Zerga, car le patron du café et les autres hommes portaient des vêtements bien différents. Jim fouilla les poches de Zerga et en retira divers objets et papiers qu'il plaça dans celle du pardessus noir, ainsi que sa lettre à Leeds, ses documents d'identité, son portefeuille et les photos de May. Il endossa le vêtement et se coiffa du feutre. Puis, il tira son nécessaire à maquillage et, bénissant le ciel de sa prévoyance, choisit une fausse barbe noire, lui donna, à l'aide d'une paire de ciseaux de poche, la forme de celle de Zerga, et compléta sa physionomie au crayon. De temps en temps, il jetait un regard sur Zerga inconscient pour copier au mieux l'original et changer un trait devant son minuscule miroir de poche. Tout à coup, il se frappa le front. « Ils n'auront qu'à le retourner, » se dit-il, « pour s'apercevoir que c'est lui et non moi. » Se penchant de nouveau sur son prisonnier, il lui banda vivement les yeux. Reprenant les ciseaux, il coupa avec le plus grand soin la belle barbe noire et réunit, dans un morceau de papier qu'il fourra dans sa poche, toutes les mèches éparpillées. Enfin, jetant un coup d'œil triomphant sur le mage inconscient, ligoté, bâillonné, les yeux bandés, privé de sa barbe assyrienne, Jim scruta encore une fois les habits du grand docteur. Son pantalon était heureusement gris, de la même teinte à la mode que celui de Jim. Ses souliers étaient noirs. Ceux de Jim étaient jaunes. Vivement, Jim ôta ses chaussures et les jeta dans la chambre noire. Puis, il délaça celle de Zerga plus petite que les siennes. Avec une grimace de douleur, il emprisonna, comprima ses pieds. Finalement, il trouva dans la poche du pardessus noir une paire de gants qu'il enfila prestement. Relevant le collet, enfonçant profondément le chapeau, il compléta ses préparatifs. Le corps inerte fut déposé dans la chambre noire, le dos tourné. Pour plus de précaution, il le couvrit de son propre manteau gris. Puis, s'approchant de la porte de communication et se concentrant de toutes ses forces pour imiter la voix calme et froide du magicien, il dit assez haut « C'est assez. Nous verrons si vous avez menti. » Et, sans se retourner, il pénétra dans le café. Sentant sur son dos le regard des hommes, il ferma la porte à clé et mit la clé dans sa poche. Ensuite, se retournant, il passa sans lever les yeux parmi les hommes qui s'étaient redressés. « Attention aux prisonniers, » jeta-t-il. « Attendez-moi, je reviendrai bientôt. » Et, ouvrant la porte de la rue, il entendit distinctement un des hommes murmurer à voix basse. « À Croydon ?»« À 11:50, » répondit un autre. La porte se referma. Jim marcha pendant quelque temps rapidement, mais sans hâte folle, le long de la route noire et déserte. Parvenu à une certaine distance du café, il se mit à courir. Empli d'une joie délirante, il respirait à plein poumon l'air frais de la nuit. « Dans une heure, se disait-il, je serai de retour avec une douzaine de policiers. Zerga sera pris avec tous ses hommes, et Maïde, Maya, sera délivrée. » Le klaxon d'une auto se fit entendre. La lumière des phares l'aveugla. Il s'écarta vivement, cherchant à se mettre à l'ombre. Mais l'auto ralentit en passant devant lui. Des hommes parurent à la portière. « Zerga !» s'entendit-il appeler. Jim se mit à courir de toutes ses forces, cherchant une issue dans les ténèbres. Mais l'auto avait stoppé et les hommes qui en étaient descendus le poursuivaient au galop. « Arrêtez, vous n'échapperez pas à la justice !» Avec une soudaine explosion de joie, Jim s'arrêta et se retourna. C'était Jonathan Smith. Mais, avant qu'il eût le temps de prononcer un mot, la main du chef constable s'abattit sur son épaule. « Au nom de la loi, je vous arrête !» En même temps, les policiers lui passaient les menottes. « Vous êtes fou !» glapit Jim. « Je ne suis pas Zerga. Écoutez-moi, je suis... » Une main lui ferma la bouche. Le sergent Jenkins se pencha sur lui, le regarda entre les deux yeux, et, tout à coup, levant une poigne velue et vigoureuse, l'assomma d'un coup sur la tête. Quand Jim revint à lui, il se trouvait dans l'obscurité complète. Peu à peu, ses yeux s'habituant aux ténèbres, ils distinguèrent, très haut, une fenêtre derrière des barreaux de fer. Les murs étaient nus. Lui-même était étendu sur un grabat. Il tâta auprès de lui, dans un coin, une cruche d'eau. Nul doute, il était dans une cellule de prisonniers. Jim se mit à crier de toutes ses forces, en donnant des coups de poing contre la porte, dans l'espoir qu'une sentinelle arriverait. Mais rien ne répondit à ses hurlements furieux. Dans le silence et les ténèbres, il passa la nuit dans ce qu'il devinait être le bureau de police de Guildford. Le ciel avait blanchi depuis longtemps et la clarté du jour emplissait la cellule quand des pas s'approchèrent. Le sergent Jenkins entra. En apercevant Jim Joy, qui avait arraché sa fausse barbe et lavé sa figure avec l'eau de la cruche, Jenkins resta pétrifié. « Imbécile, idiot, centuple crétin !» cria Jim en s'élançant vers lui. « On n'assomme pas un prisonnier, on le laisse parler d'abord. J'exigerai du chef constable votre renvoi immédiat. »« Où est-il ? » ?»« Il sera bientôt au bureau !» bégaya Jenkins d'une voix tremblante. Sans entrer dans des explications, Jim ordonna au constable. « Vite ! Tous vos hommes, et à Shepherd's Bush. » En route dans la voiture qui roulait à une allure folle, Jim, par des phrases entrecoupées, expliqua à Jonathan Smith sa fatale erreur. « Comment avez-vous eu l'adresse de Zerga ? » demanda-t-il. « Je ne vous l'ai pas donnée. » Le chef constable se redressa. « La police de Guildford a ses renseignements. Un de mes hommes est toujours posté devant White Manor. Il a entendu l'adresse que Lady Gwendoline Hornsby a donnée à son chauffeur quand elle est partie avec vous. Elle est bien, votre police de Guildford, votre sergent qui m'assomme d'un coup de poing. Le sergent Jenkins répondra devant la justice de ses actes répréhensibles. La loi... » L'auto stoppa devant le bar. Il était fermé. Les agents enfoncèrent les portes, mais en vain. Tout était vide. « Naturellement, » s'exclama Jim, qui écumait. Inquiet de ne pas voir revenir Zerga, ils ont ouvert la porte de la chambre noire et l'ont trouvée. « Et vous n'avez pas eu l'idée, hier, de faire une rafle au bar ?» Le pavillon du mage était aussi désert que les trois sorcières. « Il l'était déjà hier, » déclara Jonathan Smith. « Nous l'avons fouillé de haut en bas. »« Heureusement au moins, » murmura Jim, « que j'ai les papiers de Zerga. » Et, sa main dans les poches du pardessus noir, il chercha les documents que la veille il avait dérobés à Zerga. Mais elle n'en retira rien. Les poches étaient vides. Ils retournèrent en silence. À la station de chemin de fer, Jim, d'un signe, fit stopper le chauffeur. « Jonathan Smith, » fit-il, s'arrêtant sur le marchepied, « par votre coup de maître d'hier soir, vous avez perdu votre titre d'inspecteur. L'assassin de Miss Lake, de Miss Smith et de Miss Bell, l'agresseur de votre épouse, la trace des collectionneurs enlevés, la vie d'une femme et le bonheur de votre frère. » « James Joy, » déclara Jonathan Smith, « je n'ai rien à me reprocher. J'ai cru agir au plus près de ma conscience d'officier de police. »« Vous avez toujours raison, » cria Jim, exaspéré, en sautant à terre. « Il est de toute évidence que vous êtes le plus parfait des constables. » »